Mercedes-Benz. Mesdames, messieurs, nous faisons face à un alignement d'étoiles exceptionnel. Un phénomène rare. Mais professeur, aurons-nous les bonnes conditions pour les observer? Vous aurez les meilleures conditions. Et pour les observer, vous n'aurez pas besoin de lever les yeux au ciel. Du 10 au 20 septembre, Mercedes-Benz aligne ses plus beaux modèles durant les Star Days. 10 jours pour profiter de la boîte automatique offerte sur toute la gamme. Voir conditions sur mercedes-benz.fr. Star Days, journée étoilée. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, une histoire d'espionnage au cœur de la guerre froide, celle de George Pak, accusé et condamné à juste titre en 1964 pour intelligence avec Moscou. Durant 19 ans, ce Français a délivré à l'URSS des centaines de documents, de notes, de synthèses tamponnées, archives officielles. Et tous ceux qui ont pu l'approcher n'ont pas compris comment ce brillant esprit reconnu de notre République était devenu un espion soviétique. Alors, pacifiste ou communiste? Ou bien, s'agit-il du basculement d'un homme qui voulait jouer un rôle dans les événements du monde? Pour tenter de répondre à cette énigme, nous allons nous plonger dans les eaux troubles de la guerre froide, d'Alger à Paris, d'Helsinki à Washington, au cœur des services secrets français, américains et soviétiques. Mais tout secret étant par nature lié au silence, il existe peu d'archives sonores ou visuelles de cette histoire. Alors, pour illustrer ce récit, nous avons fait le choix de faire lire à notre comédien, Philippe Pierrard, les mots dits et écrits par Georges Pak lui-même, à la suite de son arrestation par les hommes de la DST. Et puis, cette émission n'aurait pas pu voir le jour sans l'aide d'Amaury Chardot, auteur et producteur à France Culture, qui nous a transmis les documents que vous allez entendre, qu'il en soit remercié. Notre invité aujourd'hui, Pierre Assouline, auteur d'un essai intitulé « Une question d'orgueil », l'histoire d'une enquête, d'une quête même, pour comprendre qui est Georges Pak. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. L'histoire commence à Helsinki, en décembre 1961, par l'arrivée à l'ambassade américaine d'un espion venu du froid, un certain Anatoli Golitsyn. L'homme, accompagné de sa femme et de ses enfants, se présente comme un responsable d'un directoire du KGB et demande à s'entretenir au plus vite avec le chef de l'antenne locale de la CIA, Frank Freiberg. 48 heures plus tard, Golitsyn et sa famille sont transférés aux États-Unis. Du succès de Gagarine dans la course à l'espace au fiasco de la baie des cochons à Cuba, en passant par la construction du mur de Berlin, les États-Unis traversent une mauvaise passe. Mais là, avec cette prise inattendue, le vent pourrait enfin tourner à l'ouest. Pendant des mois, les agents de la CIA sondent la mémoire abyssale du transfuge. Ils notent, vérifient, compilent, histoire de sortir de l'ombre les espions soviétiques présents dans leur camp. Après les États-Unis et la Grande-Bretagne, c'est la France qui apparaît dans les commentaires du transfuge comme un nid d'espions à la porte de Moscou. Face à ces révélations, le président Kennedy décide d'écrire une lettre personnelle au général de Gaulle afin de lui révéler la présence du transfuge soviétique. L'Américain informe son homologue français que selon les sources à sa disposition, certains de ses proches, ainsi que des personnes au cœur de l'appareil d'État, seraient des espions soviétiques. À la lecture de cette lettre, de Gaulle est sceptique, mais accepte néanmoins que des représentants français rencontrent Golitsyn. Et c'est ainsi que, dans le plus grand secret, de Gaulle envoie à Washington le directeur du 2e bureau de l'armée, le général Rougemont, afin qu'il s'entretienne avec le transfuge soviétique. À son retour, l'envoyé du général est convaincu de la sincérité de l'ancien membre du KGB. Une équipe mixte des services secrets français, comprenant des membres de la DST et du SDEC, est alors constituée, puis envoyée sur place. L'interrogatoire dure près de 2 semaines. Long, fastidieux. Il se trouve que Golitsyn ne connaît pas le nom des espions soviétiques en France. Il ne se souvient que des documents transmis aux autorités soviétiques. Alors, les membres des services secrets français enregistrent chaque souvenir, l'éclat, et tentent de vérifier les dires de l'ancien du KGB. Après ce premier travail, ils recensent 53 agents de l'Est. 53 noms à trouver à tâtons. Concernant l'infiltration de l'OTAN, ils listent les personnes susceptibles d'avoir eu entre leurs mains ces documents passés à l'Est. En précisant les parcours des personnes ciblées avec les dates de création des documents, 12, puis 4 sortent du lot. 3 colonels et un fonctionnaire civil, un certain Georges Pâques. L'homme est proche de la cinquantaine, il est apparemment sans histoire. Sa carrière au sein de l'appareil d'État débute aux plus graves heures de notre histoire, en 1942 à Alger, aux côtés des hommes de la France libre. Au lendemain de la guerre, c'est au sein des ministères de la 4e qu'il devient une personnalité des cabinets. Catholique pratiquant, marié, sans attache proche ou lointaine avec l'URSS, l'Est ou le Parti communiste, Georges Pâques est présenté par ses collègues comme un homme de la droite traditionnelle, fervent défenseur de l'Algérie française. Comme le confirme, par exemple, Pierre Jox, lors de cet entretien réalisé pour le documentaire de David Korn, Berzosa, Les années chaudes de la guerre froide 1961-1981. J'ai connu Georges Pâques où ? Au cœur de l'état-major général de la Défense nationale. Pâques était un esprit curieux, était agrégé de l'université, était très anticommuniste, c'était pour moi l'image de la droite intelligente. Hein. Georges Pâques serait donc un espion soviétique de droite. Parmi les entretiens discrets que mènent les enquêteurs des services secrets auprès de l'entourage de Pâques, une seule personne, un ancien de l'Armel Sup, comme lui, dresse un tout autre portrait de l'individu. Face à Maurice Chalet de la DST, commissaire principal en charge de l'enquête, cette personne, dont on ne connaît toujours pas le nom, révèle que derrière ce parcours et ses prises de position se cache en réalité un homme aux idées de gauche. Il y aurait donc de la duplicité chez Pâques, Chalet le pense. Pâques est mis sous surveillance. Et le 10 août 1963, la longue traque commencée par les services secrets français depuis plus d'un an contre les espions soviétiques en France s'achève. C'était un samedi en plein été à Paris, capitale vide, silencieuse, paisible. Depuis 3 jours, 4 enquêteurs de la DST suivaient avec ennui chacun des pas de Georges Pâques. Oh, celui-ci avait une vie simple, réglée, cloisonnée. Chaque matin, il se rendait au siège de l'OTAN où il travaillait en tant que chef adjoint du service de presse. Le soir, il rentrait chez lui à pied en longeant le bois de Boulogne. Sa femme et sa fille étaient partis en vacances et il ne voyait presque personne. Chaque samedi, il restait chez lui pour écouter de la musique et se reposer. Oui, sauf que ce samedi 10 août 1963, à 9h du matin, Georges Pâques sort de chez lui un porte-document à la main. Place de la Muette, il monte dans un autobus. Il s'arrête à Saint-Lazare, s'assoit à un café de la gare, puis prend un billet direction Versailles. Les enquêteurs, eux, se divisent. Chacun le suit, d'autres tentent de rejoindre en voiture la destination finale. À 11h, arrivé en gare, il sort du train. Les enquêteurs de la DST sont là, à temps. D'un pas lent, Pâques monte dans un nouveau bus. Un peu avant midi, il est à Feucherolles, dans les Yvelines, une petite bourgade séparée en deux par une rue unique. Seul, Pâques se promène dans cette ville désertée à l'heure du déjeuner. Il regarde de temps en temps sa montre, puis entre dans l'église. Du côté des enquêteurs, on perd presque espoir. Ils connaissent la foi de Pâques et savent qu'il a ses habitudes dans les églises. Alors, si cette balade n'était qu'une pieuse promenade. Eh bien non. À plusieurs reprises, une 403 passe et repasse devant l'arrêt de bus du village. À l'intérieur, 2 hommes et une femme. D'un coup, l'un des enquêteurs de la DST, caché dans une voiture, lance « Vladimir Khrenov ! Vladimir Khrenov !» Il s'agit du nom d'un conseiller à l'UNESCO que les services secrets français soupçonnent d'être l'une des huiles du KGB en France. Alors, Banco, est-ce lui que Pâques vient voir ? La rencontre n'aura jamais lieu. Par malchance, une voiture de police qui passait par hasard dans cette rue effraie la 403 qui quitte les lieux sans jamais s'arrêter. Parak, lui, sort de l'église et reprend la route de Paris. Le lundi 12 août, sans pourtant avoir de preuves formelles, la décision est prise d'arrêter Parak. Vers 18h30, il est interpellé. Il ne résiste pas et ne semble pas surpris. Sans un bruit, il s'installe à l'arrière de la voiture qui l'amène rue des Saussées au siège de la DST. Arrivé sur place, on le fouille, puis on le place dans un petit bureau. Marcel Chalet, en charge du dossier pour la DST, le rejoint. Il est 19h30, l'interrogatoire commence. Je me nomme Pac, Georges. Je suis né le 29 janvier 1914 à Chalon-sur-Saône. Je suis de nationalité française. J'ai épousé le 28 juin 1939 à Paris 5e arrondissement, Stiati Viviana. J'exerce la profession de chef adjoint du service de presse de l'OTAN à Paris. J'ai une fille, prénommée Isabelle, âgée de 8 ans. Je suis ancien élève de l'école normale sup et professeur agrégé d'italien. Je suis chef de bataillon de réserve. Je suis chevalier de la Légion d'honneur depuis 1956 à titre civil. Oui, bon, l'homme marié, le père, comme l'impeccable commis d'État, tout cela, Marcel Chalet le connaît sur le bout des doigts. Non, non, ce qui lui importe, c'est ce qui s'est passé à l'ombre du foyer familial. Ses rencontres en clair-obscur aux alentours des ministères et de l'OTAN. Très vite, Chalet m'écarte sur table et interroge Pac sur son escapade week-end à Feucherolles. Circonspect, surpris, il comprend qu'il a été suivi. Mais depuis quand? Des jours? Des mois? Qu'importe. L'accusé comprend qu'il vient d'être rattrapé. Alors, face au commissaire, il déclare. Samedi dernier, 10 août, j'avais rendez-vous à 13h15 devant l'église avec un diplomate soviétique. Il est exact que j'ai entretenu des relations suivies avec divers diplomates soviétiques. J'ai effectivement fourni des renseignements à ces diplomates, soit verbalement, soit sous forme de documents. Je suis disposé à fournir tous éclaircissements sur mon attitude et à vous faire un récit détaillé de mes contacts avec des soviétiques et des raisons qui m'y ont poussé. Je vous propose de rédiger moi-même une confession manuscrite dans laquelle j'exposerai les circonstances et les mobiles qui m'ont amené à trahir les règles du secret. Sans se débattre, sans chercher d'excuses ou nier toute accusation, Pac accepte donc de se livrer. Bien, on lui apporte du papier, une plume. Sa confession écrite dure 1h30. Sans une rature, il raconte son autre vie. L'histoire a commencé à Alger en 1944. Depuis 4 ans, nous vivions dans une atmosphère tendue et nos esprits ne se proposaient plus que 2 buts. Abattre l'Allemagne et préparer un monde dans lequel la guerre serait impossible. Je m'entretenais souvent de cet avenir avec mon docteur Imek Bernstein. Je pensais avec lui que l'URSS aurait un rôle capital à jouer après la victoire, qui était en grande partie sa victoire. J'étais alors chef de cabinet de Monsieur Jacquinot, ministre de la Marine. Et j'étais un peu épouvanté de l'état d'esprit qui régnait au cabinet. Le ministre pouvait bien recevoir aimablement à dîner Monsieur Bogomolov. Cela n'empêchait pas les militaires d'évoquer ouvertement les perspectives d'un conflit futur avec la Russie. Je tremblais de ce que j'estimais leur aveuglement. Et j'en parlais à Bernstein. Il me suggéra de rencontrer un conseiller d'ambassade soviétique, M. Goussovski. Tout a donc commencé un peu au hasard, à l'époque où l'URSS, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France étaient alliés dans la guerre qu'ils menaient contre le Reich et les forces de l'Axe. En 1944, Georges Pac avait 30 ans. Il n'était personne ou presque. Mais grâce à son travail de fonctionnaire auprès de la France libre, il avait une place de choix dans l'une des loges du théâtre de notre monde, une place de spectateur, oui. Mais avec Goussovski, il devenait acteur de ce monde, oui, Goussovski. C'est avec lui que tout a commencé, c'est avec lui qu'il a basculé. Se définissait-il déjà comme un espion? Leur rencontre s'est déroulée à la vue de tous, dans les cafés et les parcs. Alors, de quand date son premier secret livré ? Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Sans doute dès cet été 1944. À l'ouest comme à l'est, Berlin était asphyxié. La chute du Reich n'était plus qu'une question de mois. À l'époque, Pâques avait à sa disposition des bulletins du bureau central de renseignement et d'action, pour faire simple, les services secrets du général de Gaulle pendant la guerre. La lecture de l'un de ces documents l'horrifie. Alors que l'Europe entame sa cinquième année de guerre, les Britanniques et les Américains envisageraient de poursuivre les combats à l'est après la chute du Reich. C'est du moins ce qu'il comprend en lisant une réponse du ministre britannique des Affaires étrangères au général Eisenhower, commandant en chef des forces alliées en Europe. Face à cet événement possible, Pak décide de transmettre une copie du document à son ami soviétique. 15 jours plus tard, le conseiller de l'ambassade lui confirme la bonne réception à Moscou de cette information cruciale. 10 mois plus tard, en mai 1945, Berlin tombe, la guerre s'arrête en Europe. Grâce à Georges Pak, secrètement, l'homme doit le penser. Après la guerre, Georges Pak entre dans les ministères de la 4ème République. Il retrouve Paris, ses habitudes dans les cabarets, puis ses amis russes. Après Goussovski, il y a eu Ivan Avalov, Alexandre Alexeïev, Alexis Rokhin. Ils se présentaient comme des fonctionnaires subalternes et se bornaient à transmettre à leurs autorités les notes explicatives que je leur remettais. Nos rendez-vous, assez espacés, à la cadence d'un mois environ, étaient simples. Nous nous retrouvions à une sortie de métro à une heure déterminée et nous faisions dans la rue une petite promenade au cours de laquelle je parlais et posais des questions sans obtenir beaucoup de réponses. Les documents que Pak remet à ses référents soviétiques sont de toutes sortes. Il y a des notes d'information, des études établies par différents bureaux, des télégrammes d'ambassadeurs en provenance des affaires étrangères, mais aussi des centaines de bio que l'administré zélé rédigeait lui-même sur le monde politique et administratif français. Longtemps, ces documents ont été transmis de main en main. Mais tout change à partir d'octobre 1962, dès que Pak fait son entrée au service de presse de l'OTAN. À partir de cette nomination, il se borne à rédiger des notes manuscrites concernant les rares faits intéressants du Conseil des ministres et de l'OTAN. La vie parallèle de cette session de bureau s'arrête donc le 10 août 1963, lorsqu'il écrit cette confession dans un bureau d'ADST. À l'issue de 14 pages manuscrites, le fonctionnaire lève un coin du voile sur les troubles intimes qui ont jalonné ces 19 années de bavardage avec l'URSS. J'ai cru, au début, qu'un échange d'informations entre les soviétiques et moi pourrait servir la cause de la paix. Je le crois encore, en principe. En vieillissant, je suis devenu plus humble et je ne surestime plus la portée de mon action ni l'influence que je puis exercer. Ce que j'ai pu faire n'est qu'une goutte d'eau et il fallait toute la présomption du jeune chef de cabinet que j'étais pour s'imaginer qu'il allait peser sur les décisions gouvernementales. À la fin de ce texte, Pak adresse une demande particulière à ce geôlier, dissimulée derrière une pensée pour sa femme et pour sa fille. Puisse-t-elle ne jamais savoir ? Quelle que soit votre décision à mon égard, je vous supplie de trouver une solution qui les maintienne dans l'ignorance. Ce sera d'ailleurs pour vous aussi la meilleure garantie que je disparaîtrai à jamais de toute activité publique. Georges. Que sa vie reste au secret à jamais, telle était la volonté de l'homme qui avait trahi. Mais l'histoire ne pouvait se terminer ainsi. Dans les jours qui suivent ses confessions, les interrogatoires avec Marcel Chalet se poursuivent dans un climat presque détendu, l'un souhaitant alléger sa conscience, l'autre voulant comprendre comment il s'est enfermé dans ce mensonge. Et puis le 23 septembre 1963, soit plus d'un mois après son arrestation, le procureur général auprès de la Cour de sûreté de l'État publie un communiqué de presse dans lequel il annonce l'arrestation d'un espion soviétique nommé Georges Pak. Le voilà désormais en pleine lumière. Que va-t-il devenir ? grand secret. Un conseil, soyez discret. Ne faites pas comme 01 qu'on a trouvé mort dans son bain. Pour être un agent secret, il vaut mieux rester muet. Ne faites pas comme 02, mort d'une balle entre les deux yeux. Secret, il vaut mieux avoir du nez. Voyez l'agent 03, c'est le poison qui l'emporta. Pour être un agent secret, au pire il faut s'exposer. Voyez l'agent 04, ils ont bien fini par l'abattre. Secret, les filles, il faut se méfier. 05 ne l'a pas cru, c'est pour ça qu'il fut descendu. 06, vous le savez, lui aussi fut liquidé. Il avait un grand couteau bien planté au milieu du dos. Meilleur agent secret, je crois qu'il fait du ciné. Regardez bien, 6 plus 1, oui ça fait 7, vous comptez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il est devenu vedette. Dans les films qui font recette, c'est le seul qui n'est pas mort. C'est vraiment lui le plus fort. À Paris, un fonctionnaire français de l'OTAN a été arrêté pour divulgation de secrets militaires. Une affaire d'espionnage en France, et on peut le dire, la première affaire importante depuis la guerre. Après une longue enquête menée par la DST, un fonctionnaire, M. Georges Pâques, demeurant à Paris, a été écroué et inculpé du chef de divulgation de secrets militaires au profit d'une puissance de l'Est. Alors on pourrait penser qu'il a agi comme le font certains agents internationaux, par goût de l'aventure et de l'attrait de cette vie souterraine de l'espion. Mais au physique, est-ce que Georges Pâques était le type même de l'espion tel que le décrivent Jean Bruce et Yann Fleming? Pas du tout. Un homme solide, grand, le visage rond, jovial, tout l'aspect du bon vivant, ouvert, conversation brillante, beau parleur. Bref, l'homme qui inspire confiance. Ancien professeur, M. Pâques, a fait une grande partie de sa carrière administrative dans les cabinets ministériels. Il s'est occupé de questions de presse et d'information au secrétariat général permanent de la Défense nationale. C'est un poste identique qu'il occupait depuis un an au secrétariat général de l'OTAN. Alors a-t-il agi par conviction politique ou par dépit, comme certains le laisseraient croire? Par idéologie, c'est peu probable. Il était connu pour ses opinions réactionnaires. C'est quand même une bien étrange affaire, convenez-en. Imaginez la surprise des anciens camarades de Pâques, ceux de la rue d'Ulm, ceux d'Alger, des cabinets ministériels, quand ils ont appris que leur Georges, ce fonctionnaire de l'OTAN physique bedonnant, était un espion soviétique. Pendant 19 ans, il a réussi à cacher ce lourd secret derrière ses canulars et ses chansons qui les faisaient en rire. Jamais il n'a dit un mot de cette vie secrète à l'un de ses proches et même à sa femme. Et pourtant, malgré le choc des révélations, l'inculpation pour trahison et une condamnation à mort possible, Madame Pâques défend son mari dès les premiers jours, comme lors de cette conférence de presse organisée le 25 septembre 1963. Est-ce que vous étiez au courant des fréquentations de votre mari? Est-ce que vous saviez qu'il fréquentait plus particulièrement les milieux soviétiques? Mais j'ignorais absolument tout, et des fréquentations en général, et des soviétiques en particulier, j'ai encore peine à le croire maintenant. Vous comprenez ce qu'il y a d'aberrant, dans l'idée de faire croire que mon mari a pu vendre quelque chose, c'est l'idée qu'il ait besoin d'argent. Or, ce n'est pas vrai. S'il en a de l'argent, tant mieux. S'il n'en a pas, ça lui est absolument égal, vous comprenez? Et ça lui est indifférent d'être bien habillé ou mal habillé, d'avoir un beau mobilier ou pas, il ne le voit pas. Tous les gens qui le connaissent ont eu une réaction de stupeur devant ce que la presse a dit hier, parce que ça n'est pas mon mari, vous comprenez? Alors comment expliquez-vous que dans son mémoire, votre mari ait, paraît-il, déclaré qu'il travaillait pour les Russes depuis 1944? Mais je ne l'explique pas, ça me paraît ahurissant. La La presse, pour l'instant, ne sait presque rien de cet homme, ni de ce que l'État et les services secrets ont en leur possession contre lui. Alors, après les mois des premiers jours, l'espion retourne dans l'ombre de son existence, seul derrière les barreaux de sa cellule de la prison de la Santé. Sa vie est désormais réduite à cette seule pièce, à la radio et aux quelques livres qu'il reçoit grâce à son statut de prisonnier politique. Durant un an, le juge de l'instruction l'interroge. La DSTL poursuit ses investigations à la recherche d'un ou plusieurs complices. Pendant des mois, Marcel Chalet et ses hommes convoquent de nombreuses personnes haut placées qui ont connu ou travaillé avec Pâques. À la fin de l'investigation, les enquêteurs ne trouvent aucun élément qui prouve que l'un d'entre eux a collaboré avec l'espion soviétique. Pâques a toujours agi seul, terriblement seul, face aux événements portés par sa croyance qu'il pouvait sauver la paix. Le 6 juillet 1964, l'heure du jugement a sonné. L'homme qu'on cache depuis des mois s'assoit dans le box, calme, presque souriant dans son costume gris de fonctionnaire. Avec aisance et assurance, Georges Pâques répond aux questions, sans sourciller. Les journalistes découvrent alors un espion de salon de bonne éducation. Bon, le président évacue au plus vite les premiers éléments de CV sans intérêt, et il entre dans le vif du sujet. Vous avez l'impression qu'en livrant des secrets, vous rendez service à votre pays. L'avenir de la France était conditionné au maintien de la paix. La seule action ne pouvait être qu'une activité de franc-tireur. Autrement, en agissant dans le cadre de fonctionnaire, je n'avais aucune valeur. Je n'ai jamais dit que je possédais la vérité, mais que j'espérais la posséder. Votre conviction n'était quand même pas absolue. Vous avez agi légèrement. Sans aucun doute. On ne peut agir avec une certitude absolue. Ce que j'avais en moi, c'était une conviction, une passion, un désir, depuis mon enfance, de servir la cause de la paix. Mais quel risque je courais? Quel risque pour mon pays? Au cas où je me trompais, les risques étaient minimes. Ce n'était pas mon action qui entraînait la ruine de la France. En revanche, mon action pouvait la sauver. La paix, donc, c'est cela qui aurait poussé M. Pâques à entretenir ses « conversations », comme il les nomme, avec les soviétiques. Était-ce une trahison? Pâques rappelle que l'URSS a été l'un des alliés de la France et que c'est dans ce contexte qu'a commencé sa relation privilégiée avec les soviétiques. Point par point alors, on présente la nature des documents transmis. Pâques explique qu'il s'agit pour la plupart de publications disponibles. Son rôle était seulement de les faire parvenir au plus vite en URSS. Et les documents portant le timbre secret? Oh, rien d'important. À la barre, Pâques décrit sa relation comme une sorte de conseil qui permettait à l'allié soviétique de faire le bon choix face à une situation compliquée. En cas de crise, il transmettait l'avis et les possibles choix de la France. Rien de plus. Peu à peu, l'homme affable des premières heures laisse apparaître un être sûr de lui, rejetant les griefs et les questions. Est-ce l'orgueil qui aurait fait tomber M. Pâques? Maurice Clavel, dont l'amitié avec lui est née à l'école normale, a sa petite idée. À la barre, il parle ainsi de son ami. Lorsque j'appris l'horrible nouvelle, j'eus alors un mouvement double. Voilà donc quelle était sa raison de vivre, son aberrante raison de vivre. Peut-être était-ce pour compenser ce qu'il croyait être la médiocrité de sa vie. Peut-être était-ce pour compenser ce qu'il croyait être la perte de la patrie. Il a toujours été seul. Et la solitude engendre l'angoisse et aussi l'aberration, l'égarement. Il fut seul aussi, comme on prie. À l'heure des plaidoiries, l'orgueil comme la solitude pèse peu aux yeux de l'avocat général, qui demande la peine capitale contre l'accusé. Le 7 juillet 1964, cette demande est rejetée. Georges Pâques est reconnu coupable de trahison, mais bénéficie de circonstances atténuantes. Il est condamné à la détention criminelle à perpétuité. Voilà, l'affaire Pâques se termine ainsi sans avoir révélé tous ses mystères. Pourquoi, notamment, l'État a-t-il fait la publicité de cette taupe française au sein de ses services tout en évitant de condamner l'URSS? Georges Pâques était-il vraiment un espion si désarmant pour la France et si important pour l'URSS? Est-ce que d'autres personnes dont on n'a jamais connu l'existence furent arrêtées elles aussi puis placées sous silence? 4 ans après le procès, la peine de Georges Pâques est commuée en 20 ans de détention. Deux ans plus tard, en 1970, Georges Pompidou, un ancien de la rue d'Ulm, lui aussi, devenu président, lui accorde la libération sous condition. Pac retrouve alors sa femme et sa vie. Il meurt en 1993, deux ans après le décès de l'URSS. Took a while, but now I see my old man worked for the KGB. The government found out about his work and had to take him out. It took a while, but now I see why Dad was such mystery. Sometimes you cheat, sometimes you lie. It's part of the job when you're a spy. Vous écoutez France Inter, Affaires Sensibles, aujourd'hui le dossier Georges Pac. Notre invité Pierre Assouline, bonjour. Bonjour. Je le rappelle aux auditeurs, vous êtes journaliste et écrivain, auteur de nombreux romans et de biographies. En 2012, vous avez publié l'ouvrage Une question d'orgueil, qui a donc pour personnage principal Georges Pac, et comme secondaire, si je puis dire, vous-même, à la quête de réponses autour du parcours de cet homme et de son histoire. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans cette histoire-là? Parce qu'après tout, des histoires d'espions, il y en a beaucoup. Mais celle-là, pas tout à fait comme les autres. Eh bien, le point de départ, c'était déjà les années 80, parce que, bien avant donc ce roman, j'avais trouvé son nom, par hasard, dans des annales de l'espionnage, des essais, des livres d'historiens très sérieux. Il était présenté comme le Kim Philby français, et ça m'intriguait. Je m'intéressais beaucoup, à l'époque, à l'affaire Anthony Blunt, qui était... Un rappel en deux mots, quand même, pour nous. Qui était un historien de l'art, et qui était un peu le cinquième homme du quatuor de Cambridge, qui avait donc trahi avec Kim Philby. Et j'avais couvert cette affaire pour le journal où je travaillais à l'époque, à France Soir. Et c'était assez fascinant. Et donc, je m'étais beaucoup intéressé aux histoires d'espionnage. Et de temps en temps, le nom de Pac apparaissait. Je me disais, c'est quand même incroyable, Kim Philby français. Qu'est-ce qu'on sait sur lui? Pas grand-chose. Donc, j'ai lu un petit peu les journaux. Et comme je collaborais à l'époque, et même toujours maintenant, au magazine L'Histoire, j'ai proposé un sujet, un grand sujet sur lui. On m'a dit oui, mais il faut trouver des choses. C'était à quelle année, ça? Ça, c'est dans les années 80. D'accord. J'ai cherché. 85 même. Voilà, 85. J'ai cherché. Évidemment, il y avait de la presse, la presse de l'époque. Le procès avait été couvert, etc. Mais ça ne me suffisait pas. Et donc, j'ai cherché à le rencontrer. Ah. Alors là, ça devenait difficile. Donc, j'ai cherché partout, dans toute la France, parce que, bon... on n'avait pas de nouvelles de lui. Et finalement, il habitait à 500 mètres de chez moi, dans la même artère. Non. Oui, entre la porte Dauphine et la porte d'Auteuil. Et ce qui est incroyable, c'est qu'entre chez lui et chez moi, il y a l'ambassade soviétique. En plus. Comme par hasard. Mais non. C'était vraiment des coïncidences. Donc, je l'ai fait un mot. Et je lui ai dit, voilà, j'aimerais vous rencontrer. Il m'a répondu, il m'a appelé. Il m'a dit, oui, mais vous n'enregistrez pas, on parle à bâton rompu. Mm-hmm. Et puis je vous fais confiance parce que j'ai lu telle ou telle de vos biographies. Donc je pense que je peux avoir confiance. Et donc je suis allé chez lui et j'ai passé tout un après-midi jusqu'au soir. Quel bonhomme vous avez vu ? Ah, j'étais très touché parce que d'abord c'est un personnage de Sampé. C'est un monsieur assez rond, pas très grand, qui était chez lui tout seul et qui, je crois qu'il avait son chat et qui attendait que la concierge l'apporte le monde à 15h. Et qui, voilà, qui avait une vie de retraité bien rangée, quoi. C'est monsieur tout le monde. Ouais. Si vous le voyez dans le métro, vous ne le regardez même pas. C'est le genre de haut fonctionnaire à la retraite qui, quand il sort, doit probablement emmener son cartable avec dedans sa carte Navigo uniquement. Vous voyez, c'était ça, Georges Pack. Et on a beaucoup sympathisé parce que c'est un homme brillant, intelligent, très cultivé, très intelligent. Et on a parlé à bâton rompu. J'ai pu lui poser toutes les questions que je voulais. Évidemment, il a répondu à sa manière. Je m'attendais pas à autre chose. Mais je voulais le voir, croiser son regard, entendre le grain de sa voix. Mmh. C'est très important, la voix, quand on est biographe. Bien sûr. Et là, il m'a dit simplement à la fin, je vous fais confiance, mais vous ne me citez pas on the record. C'est un entretien off the record. Et je l'ai promis, je le ferai, et je l'ai fait. Après, il m'a fait un petit mot pour me dire, merci, c'est tout à fait ça. Et dans le c'est tout à fait ça, il y avait donc tout le récit que je faisais de son procès, de toute cette histoire, sur 10 pages dans l'histoire. Et je concluais en disant, il est probable que cet homme a trahi par orgueil. C'était ma conviction, mais elle ne reposait sur aucun document. C'était ma conviction. Mais est-ce que l'entretien a confirmé cette conviction ? Absolument, et ça l'a même forgé. Forgé. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il m'a dit, dans son petit mot, vous ne vous êtes pas trompé. Sans revenir là-dessus, il m'a dit, vous ne vous êtes pas trompé. Alors, ça m'a beaucoup intrigué. Bon, alors, et là, à partir de là, pour moi, l'affaire Pack, c'était terminé. On va y revenir sur les motivations et comment on peut lever un coin du voile de cette énigme. On va y revenir, mais d'abord, vous avez trouvé en face de vous un homme qui vous paraissait dans quel état d'esprit ? Révolté ? Non. Résigné ? Finalement, il vous a dit, on a rendu justice et c'était justice. C'était ça, non, son état d'esprit. Ni révolte, ni indignation. Un homme très calme, très apaisé. Mmh. Surtout, qui ne voulait pas d'histoire. Il ne voulait pas qu'on vienne interviewer, que les photographes viennent, la télévision, la radio. Homme de l'ombre, on reste. Hein. Oui, pas d'histoire. Il est en retrait, totalement en retrait. Et voilà, surtout pas que provoquer quelques scandales, ni réveiller la bête. Parce que des poussées d'anticommunisme, il y en a régulièrement dans les médias. Il suffit d'une histoire, à l'époque entre l'Union soviétique et le reste de l'OTAN. Enfin bref, surtout pas de scandale. Alors on va quand même l'écouter, Georges Pack. Deux fois, à travers deux archives, au début des années 90, Charles Benfredge, auteur d'un livre, lui aussi sur cette affaire, l'a rencontré à plusieurs reprises et a enregistré une partie de ses entretiens. Benfredge nous a donné l'autorisation de diffuser des extraits. Alors, l'écoute n'est pas optimale, je préfère vous prévenir, mais le contenu est central. Tendez l'oreille. Pack nous raconte comment il définissait ses conversations avec ses contacts soviétiques. Pensiez-vous à ce moment-là commettre ce que le code pénal réprime, ou pensiez-vous ne pas avoir mis le doigt dans un engrenage de cette nature? C'est difficile à dire, parce que, étant donné que les conversations que nous avions étaient des conversations de caractère presque ouvert, il m'arrivait très rarement de lui communiquer à l'appui de mes dires un document quelconque, parce que j'en avais en réalité fort peu qui passait par mes mains. Alors évidemment, lorsque je lui remettais, par exemple, un dossier de préparation de conseil des ministres pour lui montrer comment se faisait le travail, on pouvait dire que c'était des documents de caractère secret. Mais c'est un grand dommage. Un secret professionnel. Par habitude, on met le tampon secret sur l'ordre du jour du Conseil des ministres, qui paraîtra le lendemain dans la presse. Alors, c'est vrai qu'il y a un hiatus entre l'histoire, donc l'espion qui a trahi, qui est condamné à mort et à perpétuité, et finalement la nature des documents qu'il transmet. C'est pas des, enfin de ce qu'on en sait, c'est pas non plus des secrets sur la bombe atomique, enfin des choses explosives, si je puis dire. Eh bien, je ne suis pas d'accord, parce que ça, c'est un peu la version qu'il a donnée lui-même à son procès. D'accord. Et ses avocats, encore plus. Bien sûr. En disant, carrément, chaque fois que le juge disait, mais enfin, vous avez transmis tel document, il disait, oh ça, vous savez, ça se trouvait dans la presse. Et ça, n'importe quelle revue militaire, si on sait la lire, le disait aussi. Alors là, ce qu'il évoque, là, parce qu'il y a eu différentes gradations dans son travail. Au départ, à Alger, à l'époque de la France libre, quand il a commencé à travailler pour les Russes, et que la Russie était l'allié de la France, à cette époque-là, c'était assez anodin. On lui demandait des fiches, finalement psychologiques, sur le personnel politique français, évidemment par rapport à l'URSS. Ça, à la limite, n'importe quel journaliste peut le faire. Un bon journaliste bien introduit. Et puis après, progressivement, en fait, c'était délibéré de leur part. Ils avaient ferré un poisson, mais c'était sur la durée, comme toujours. Après, un peu plus tard, il a commencé à travailler dans l'administration et dans le gouvernement, chef de cabinet, on l'a demandé de faire des fiches sur les ministres. Alors ça, c'est pas dans la presse. Alors ça peut porter le tampon secret, mais bon, ou confidentiel. Alors il a fait des fiches sur les ministres, toujours par rapport à l'URSS. Puis après, encore un peu plus, des fiches sur ce qui se disait au Conseil des ministres auquel il assistait en tant que directeur de cabinet d'un ministre. Alors là ça devient quand même un peu lourd. Hein. Et à partir du moment où il est à l'OTAN, là, il bénéficie du tampon cosmique. Alors, ça peut faire rire cosmique. Cosmique. Mais cosmique, c'est au-delà de secret, de confidentiel et de très secret. D'accord. Et il en bénéficiait. Et là, de quoi s'agit-il ? Ben, il s'agit quand même des plans de défense alliés à Berlin. Il s'agit quand même des plans de l'installation des radars de l'OTAN en Turquie. Ouais. C'est quand même pas rien. C'est pas la bombe atomique, mais c'est quand même pas rien du tout. Et les plans sont très détaillés. Je veux dire, il n'aurait pas pris des risques qu'il a pris, qui sont considérables, pour photocopier ou pour photographier des plans qui sont dans la presse. Non, ces plans ne se baladaient pas. Ces plans étaient dans des coffres. Il les sortait à l'heure du déjeuner. Il allait ensuite, il les amenait quelque part pour les reproduire, et ensuite, pour les transmettre, il allait dans des églises où c'était des rendez-vous clandestins à chaque fois. Oui, c'était prémédité, c'était organisé. C'était totalement organisé. Ce qui est fascinant, moi ce qui m'a toujours fasciné avec lui, c'est que d'abord, tout y est de l'espionnage de l'époque de la guerre froide. C'est vraiment l'atmosphère guerre froide. C'est idéal pour un film. L'affaire Pâques, pour moi, c'est un film. Mais ce qui est fascinant, c'est que ça a duré 19 ans. Non seulement ça a duré presque 20 ans, non seulement c'est extraordinaire vis-à-vis de lui, c'est-à-dire qu'il a gardé le secret 20 ans. Et Dieu sait que c'est lourd, un secret. Mais d'autre part, ça veut dire que pendant 20 ans, le contre-espionnage français n'a rien vu. Camouflé. N'a rien vu. Faillite. Alors qu'on savait que des choses sortaient. Et ils n'ont pas trouvé. Et pourquoi ? Question de compétences ou... Non, parce qu'ils n'ont pas su... Oui, enfin, ça revient à ça, s'ils n'ont pas su... bien chercher. Mais non, ce n'est pas une question de compétences. Je pense que les Russes ont très bien joué quand ils ont ferré le poisson à Alger. Il était tellement anodin de l'extérieur et dans sa vie tous les jours que pas un seul instant on a pu imaginer que cet homme aurait pu... Il était aussi responsable, directeur de l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale. Donc, il voyait circuler énormément d'informations. Ouais. Alors, on en arrive au cœur de l'affaire et au cœur de la fascination autour de cette affaire, les motivations de cet homme. Pourquoi il fait ça ? Et vous donnez la réponse, votre réponse, en tout cas dans le titre de votre livre. Une question d'orgueil. Alors, expliquez-nous ça, parce que c'est la grande question qu'on va aborder dans la deuxième partie, elle est bien là. Alors, évidemment, la motivation, vous avez raison, Fabrice Drouel, c'est le cœur du débat. On se demande pourquoi. Bon, quand j'ai fait mon enquête pour la revue d'Histoire, j'avais abouti à l'orgueil, j'allais dire, parce que je l'avais rencontré et que c'est ça qui surgissait, et aussi par élimination et par déduction. Parce que par élimination, on se dit d'abord... Première chose, par idéologie. Il serait communiste et il trahirait la France par idéologie. Or, il était anticommuniste. Et ce n'était pas une couverture. C'était véritablement un homme de droite, réactionnaire, catholique, qui était proche de l'OAS pendant la guerre d'Algérie, qui a même intervenu pour faire livrer des armes à l'OAS à une époque. Donc, c'était vraiment l'homme de droite. Il n'y a pas du tout le profil d'un espion pour les Russes. Typique des années 60. Donc, c'est pas l'idéologie. D'accord. Alors, on se dit, il n'a pas du gain, l'argent. Alors, il a touché de l'argent, de temps en temps. Les Russes lui ont donné de l'argent de temps en temps. Lui a dit par la suite, si j'avais refusé, ça aurait été louche. Eux-mêmes n'auraient pas compris. Et donc, j'ai accepté. Je ne me suis pas enrichi. D'accord. Alors, il a quand même acheté un appartement où j'ai été. Donc, Square des écrivains combattants morts pour la France, qui est assez drôle quand on y pense, qui se trouve sur le boulevard Suchet, boulevard Lannes, vous voyez. Dans un appartement luxueux, 16e arrondissement, qui a une vue sur un square et un jardin. Aujourd'hui, c'est 15 000 euros du mètre carré. Ah oui. Bon, donc faut le savoir. Alors ça, avec un salaire de haut fonctionnaire, c'était un peu difficile. Même si sa femme a fait un héritage d'une grand-mère italienne, c'est un peu là les juges ont un peu tiqué. Ouais. Mais cela étant, il a pas trahi pour l'argent. Alors, j'en suis convaincu. Est-ce que maintenant, j'en suis venu à l'orgueil. Ouais. Pardon de vous couper, vous êtes venu à l'orgueil, mais je vais juste raccrocher à la motivation qu'on a expliquée dans le récit, c'est-à-dire qu'au tout début, quand il pense que les Alliés vont peut-être continuer la guerre, après la guerre, et cette fois contre les Soviétiques, est-ce que c'est ça la racine de sa motivation? Alors pour le coup, historique, elle n'est pas idéologique, elle est historique. On en viendra à l'orgueil juste après. À l'intérieur de l'orgueil, il y a ça que vous évoquez. D'accord. C'est-à-dire que le point de départ, quand il est happé par les Russes, c'est quoi? C'est que cet homme a une très haute idée de lui-même, quand même. Bon, il est normalien, il est agrégé d'italien, c'est un homme brillant, il a une mémoire, c'est un hypermnésique, c'est-à-dire qu'il connaît des opéras par cœur. Il enchantait ses amis, parce que, vous savez, une fois par mois, les anciens normaliens de sa classe, se réunissait dans un restaurant et faisait la fête. Ils buvaient, mangeaient. Et ils étaient tous frappés par sa mémoire. Ils pouvaient chanter des opéras toute la soirée, en allemand, en italien. C'est extraordinaire. Donc, ce type était extrêmement brillant. Très tôt, quand il a été chef de cabinet du ministre Louis Jacquinot, il a eu le sentiment qui méritait beaucoup mieux. Et quand ses amis lui disaient, mais enfin quand même, c'est pas mal à 30 ans, et il disait, mais non, mais je devrais être le ministre. Elle a la racine du mal. Je devrais pas être le chef de cabinet, je devrais être le ministre. On lui disait, patiente un peu, parce qu'il s'estimait beaucoup plus intelligent que les ministres qu'il servait. Alors, est-ce que le fait de transmettre ces informations était pour lui un moyen d'être vraiment utile? Ou une vengeance sur ce pays qui n'a pas reconnu son immense talent. C'est pas vraiment une vengeance. Je ne crois pas tellement à l'utilité pour la paix dans le monde, parce qu'on peut être utile d'une autre manière. Je pense qu'au départ, il était enivré, il était grisé par le rôle qu'il a joué, par le rôle qu'on lui faisait jouer. À quel moment? Dès Alger. Ah oui, dès Alger, d'accord. Dès Alger pour les Russes. C'est le sentiment d'être en coulisses et de tenir l'histoire, vous savez, il m'a fait penser à un certain nombre de grands reporters que j'ai connus en tant que journaliste, comme par exemple Arnaud de Borchgrave, qui était l'homme de Time Magazine et, pendant longtemps. Ce sont des, ou Edouard Baird ou d'autres, ces grands reporters, de temps en temps, à force d'approcher des puissants comme Kissinger, ceux-ci leur disaient: quand vous irez à Saïgon, c'était pendant la guerre du Vietnam, si vous voyez Ho Chi Minh ou un autre, transmettez-lui ce message de ma part. Oui, bon, et de jouer ce rôle, c'était tellement enivrant, alors que ce n'était pas énorme, mais c'était un rôle de go-between. Eh bien, Georges Pack était un peu dans cette situation. Il y a une ivresse du pouvoir, mais du pouvoir secret, du pouvoir clandestin. Et très tôt, il s'y est mis parce qu'il s'est dit, on nomme ministre des gens vraiment pas très capables, au lieu de me nommer ministre, donc je vais jouer un rôle, puisque les Russes eux-mêmes pensent que je suis quelqu'un de très valable, eux reconnaissent mon talent. Donc, au départ, c'est relativement anodin. Après, c'est l'engrenage. Bien sûr, mais à partir de ça, c'est de ce postulat. C'est ça la racine. C'est la vraie question. Mais l'engrenage, après, il a mis la main, il ne peut plus la sortir. Bien sûr. Alors, on va écouter une deuxième et dernière fois la voix de Georges Pack, qui répond à cette question fondamentale: si c'était à refaire. s'il fallait vous poser une question générale, après avoir fait tout ce retour en arrière, si c'était à refaire. Difficile à dire maintenant que j'ai vu l'écroulement du communisme dans les pays de l'Est. À quoi l'attribuez-vous cet écroulement? À l'échec du système, je à quoi sa mauvaise application par les hommes? Sûrement la mauvaise application par les hommes. Ça, je suis sûr, je suis formel. Le système lui-même, j'hésite. Parce que je me demande si vraiment les idéaux communistes sont susceptibles d'une application humaine. Je l'avais cru pendant très longtemps. Je crois que c'est une doctrine vraiment, vraiment inhumaine. Dans quel sens inhumaine? Par adaptée à la faiblesse humaine. Elle suppose chez tous les hommes tellement de sens civique, de dévouement au bien public, de solidarité et d'honnêteté que j'ai bien peur qu'on n'arrive jamais à trouver le public nécessaire pour organiser cela. Oui, la façon dont répond Georges Pack sur le fond, où il dit un peu tout et son contraire, finalement, parce que quand il dit « je me suis aperçu que c'était une idéologie qui était inhumaine », ça peut vouloir dire qu'avant il y a cru, mais en même temps c'est que c'est un homme de droite. Donc ça veut dire que ça donne raison vraiment à ce que vous dites. C'est une question d'orgueil, c'est pas une question de fond, quoi. Non, c'est pas une question de fond, mais vous savez que après la guerre, il a été après la guerre, pardon, après son procès, oui, et après son internement, après sa libération à lui, il a été vivre un peu en URSS. Hein. Mmh. Donc sa fille a vécu en URSS très longtemps, alors que lui était rentré en France. Donc, il a vu la chose, parce qu'il connaissait pas l'URSS à l'époque. Quand il a trahi, pendant ces 20 années, il avait jamais été là-bas. Il fallait surtout pas qu'il y aille, pour ne pas éveiller des soupçons, bien sûr, mais il ne connaissait pas cette réalité. C'est une fois qu'il y a été qu'il a pris la mesure de la chose. Je crois que c'était sous Brejnev, je suppose. Mais moi, c'est une histoire qui n'a jamais cessé de me hanter. Après avoir fait l'article, après l'avoir connu, etc. Qu'est-ce qui vous hante? Il n'y a pas une question à laquelle vous n'avez pas pu répondre? Non, vous avez répondu à la question d'orgueil. Ce qui s'est passé, c'est que le temps a passé. J'ai écrit d'autres livres. Et puis un jour, dans l'autobus, que je prends tous les jours, le 63, à Trocadéro, au moment un peu avant, je m'assois en face d'un monsieur, sans savoir qui c'était, et je le regarde, c'était lui. Et il me reconnaît. Décidément. Et alors, c'est vous qui le croisez, hein, c'est pas moi, c'est pas un autre. Mais c'était lui. Et alors, on était face à face, on n'a pas dit un mot, parce qu'il y avait des gens autour. Mmh. Et il devait sortir à la station suivante, il s'est levé, et c'était Trocadéro, il s'est mis sur le parvis, face à moi, alors que le bus était encore immobilisé. Il m'a regardé, et au moment où le bus a démarré, il a levé son chapeau, et il m'a adressé un sourire, sans échanger un mot. On aurait dit deux espions en train de se retrouver. Mais pourquoi ça m'a hanté après? C'est que un jour, je me suis dit, c'est curieux, mais je crois me souvenir que les archives du procès, donc couvertes par le secret de la Défense nationale, ces archives n'avaient jamais été consultées, c'était interdit. Mais je me suis dit, je crois que le temps a passé et que maintenant, le secret est levé sur... parce qu'il y a une période, hein, vous savez, oui, consulter les archives. Oui. J'ai écrit, on m'a dit, vous pouvez, si vous voulez, vous serez le premier. J'y suis allé, j'ai vu tous les dossiers. Et ce qui était génial, c'est qu'il y avait tous les rapports, les deux rapports des deux médecins psychiatres qui l'ont examiné en prison, et les deux concluent à l'orgueil. Alors, bon, si cette histoire vous hante, amis auditeurs, à lire donc Une question d'orgueil de Pierre Assouline chez Gallimard. Merci infiniment. Merci. Pierre Assouline, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le dossier Georges Pack, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Michel Bézikian qui était à la technique aujourd'hui.